Les rassemblements en faveur de la déclaration du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée se sont tenus dans les usines et entreprises partout en Corée. Lors des rassemblements, a été donnée lecture de la déclaration gouvernementale suivie des discours. Les orateurs ont accusé vertement la résolution de sanctions mise en scène par les États-Unis et autres forces hostiles de violations barbares de la souveraineté de notre République et soutenu intégralement la déclaration gouvernementale qui a exprimé à l'intérieur et à l'extérieur du pays la position résolue de mettre fin aux provocations des ennemis. Ils ont souligné que tous les militaires et civils éprouvent de la satisfaction pour la déclaration du porte-parole de l'état-major général de l'armée populaire de Corée, avertissement ferme face à la pression militaire téméraire des impérialistes américains et la déclaration du porte-parole des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée sur le projet de tir d'encerclement à l'île de Guam. Pour terminer, ils ont exprimé leur détermination d'opérer l'essor dans la production avec le sentiment de battre les ennemis visant à supprimer la souveraineté et les droits à l'existence et au développement de notre République afin de déjouer résolument les sanctions scélérates des impérialistes américains contre notre pays.